À tout à l'heure. Mais tu m'as régalé, Blockbuster. Je viens de me faire la route de nuit. Je me suis écouté le podcast de Star Wars. Mais tu m'as régalé. Alors, écouter Star Wars sur France Inter, c'est aussi surprenant que s'il te posait un bonsaï sur l'épaule. Alors, par contre, je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, le dernier, DJ Abrams, le mieux, c'est qu'il aille vendre des esques sur le port à La Ciotat, parce que vraiment, il est bidon. Et celui d'avant, qui a fait voler la princesse Léa dans l'espace, c'est un cabinet vivant. C'est mieux s'il va vendre des churros sur la plage. Allez, régalez-vous encore et régalez-nous. Et je voulais parler par rapport à Star Wars, ce que tu as fait hier, je te jure. Moi, je n'en peux plus, je suis arrivé à saturation. Je sature, je n'en peux plus. Je suis épuisé. Alors qu'ils prennent leur temps, qu'ils fassent un bon, et avec du mauvais. Hein. Bon, allez, salut. Ouais, Blockbuster, c'est Miss de l'Académie. J'espère que ça roule pour vous. Moi, je suis en train de faire ma petite bibliothèque, là, et j'écoute vos émissions. Ça fait à peu près une trentaine, 35 heures, à peu près, que j'écoute vos émissions sur une plateforme. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a plus d'émissions. Voilà. C'est con, hein, mais je peux plus avancer. Donc, quand c'est que vous en faites une nouvelle, s'il vous plaît? Bisous. To be or not to be, not to be. Quel formidable moment que les vacances. Alors je ne parle pas forcément de l'activité qui vise à aller s'entasser sur des plages bondées de monde ou à crapahuter dans les Cévennes en essayant de transmettre à des enfants citadins saoulés le goût de la nature et des promenades en forêt. Non, je parle de l'état d'esprit que l'on développe en vacances. Souvent, j'entends les gens dire « Ces vacances m'ont fait un bien fou. J'étais coupé de tout, plus de portable, plus d'infos. J'étais juste avec les gens que j'aime. Qu'est-ce que ça m'a fait comme bien ?» C'est formidable, mais au fond, qu'est-ce qui nous empêche de continuer à le faire quand on reprend le boulot? Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas beaucoup plus d'influence sur l'avancée du monde au travail qu'en vacances. Au mois de septembre, le gouvernement ne me passe pas plus de coups de téléphone pour savoir comment gérer l'urgence climatique ou lutter contre l'inflation. Non, rien de tout cela. Simplement, le fait de travailler, ce que je fais dans le simple but de pouvoir avoir un toit au-dessus de ma tête, me donne l'illusion de penser qu'il me faut être au courant de tout et surtout avoir un avis sur tout. Ces périodes de vacances que l'on appelle de ses vœux chaque année, ce sont moins des vacances du corps que des vacances de l'esprit. Donc à l'aube de cette rentrée qui s'annonce, je vous le répète, nos corps sont peut-être obligés de rentrer, mais nos esprits, des fois, devraient pouvoir rester en vacances. Frédéric Sigrist. So far, so good. Blockbuster. Sur France Inter. Fatigué du banquet, on est comme un ours dans un piège. Ce garçon que j'ai décapité, tu le connaissais? Bien sûr que oui. Juste un gamin. Mais c'était un dur à cuire. Un vrai patrouilleur. Il racontait des insanités. Il disait que les marcheurs avaient tué ses amis. Les deux autres n'ont toujours pas réapparu. Une embuscade des sauvageons. Peut-être. Des loups géants au sud du mur. Au sud des marcheurs. Et mon frère qui deviendra peut-être nain du roi. On peut dire que l'hiver vient. Oui, l'hiver vient. Que vous soyez un amateur ou non de fantasy, ou même de séries télé, vous avez forcément entendu parler de Game of Thrones, le trône de fer en version française. L'adaptation des romans du même nom, écrit par George R.R. Martin, durant 8 saisons, cette série diffusée sur la chaîne payante américaine HBO a littéralement conquis la planète au point de devenir un vrai phénomène de société. Série la plus téléchargée illégalement au monde, au budget le plus élevé également, jusqu'à l'annonce de la nouvelle série sur Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime. Mais la fin polémique de Game of Thrones aurait tendance à faire oublier à quel point cette série a marqué l'histoire et a ouvert la porte à un paysage de très très grosses franchises sur petit écran. Pour revenir sur cette série phénomène, j'ai avec moi Justine Breton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature française à l'université de Reims Champagne-Ardenne et vous étudiez les représentations contemporaines du Moyen-Âge au cinéma et à la télévision. C'est ça. Vous avez notamment copublié l'ouvrage « Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones » aux éditions Presse Universitaire de France en 2020 et votre livre sur les séries consacrées au Moyen-Âge paraîtra en février 2023 aux Presse Universitaire François Rabelais. C'est ça, merci de m'accueillir. Avec nous également Charlotte Blum, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de, documentaires sur les séries, et la saison 3 de The Art of Television arrive bientôt sur OCS. C'est ça. Avec nous, Christophe Germy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur et podcasteur de La Garde de Nuit, association et site internet dédié au Trône de Fer. Tout à fait. Les présentations sont faites, les noms sont donc plus faciles à retenir que l'arbre généalogique des Targaryens. Donc tout ça, ça devrait le faire. C'est parti, Dracarys. Ashomar, Jomakan, Kalvesven, puis-je vous présenter mes invités d'honneur ? Viserys, de la maison Targaryen, le troisième du nom, le roi légitime des Andals et des premiers hommes. Et sa sœur, Daenerys, de la maison Targaryen. Ajiana Shela. Je vois la longueur de sa chevelure. Quand un Dothraki est vaincu au combat, on lui coupe sa tresse pour que le monde entier voie sa disgrâce. Khal Drogo n'a jamais subi une défaite. C'est un sauvage, bien sûr, mais c'est l'un des meilleurs tueurs actuellement vivant. Et tu vas devenir sa reine. On vient d'entendre Viserys Targaryen joué dans la version originale par Harry Lloyd et interprété en français par Sébastien Desjours. Alors pour les trois personnes du fond qui auraient échappé à la folie Game of Thrones, Charlotte Blum, pouvez-vous expliquer ce qu'est le Trône de Fer ? C'est-à-dire narrativement ou le phénomène que ça a voilà, été. Parce que je pense qu'il doit y avoir trois auditeurs qui disent « c'est quoi ça ?» Ce sont des jeux de pouvoir pour s'asseoir sur un trône hyper inconfortable. Qui file le c'est tétanos. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui file le tétanos, probablement. Qui tue les gens. Même. Entre des familles et dont on peut dire que ce sont les femmes qui en sortiront les plus fortes. Voilà. C'est ma définition. C'est une très bonne définition. Christophe, est-ce que vous voulez compléter? Oh, je pense que ça a été très bien résumé pour le coup. Moi, j'ajouterais juste que le trône tue des gens. Le trône tue des gens. Alors voilà. Derrière, il y a l'œuvre littéraire de George W.R. Martin. Tout à fait. Ce W.R. que son éditeur lui a suggéré de rajouter pour se rapprocher d'un autre W.R. bien connu des amateurs de fantasy. Et cette œuvre, elle existe depuis un petit paquet de temps maintenant, puisqu'elle existe depuis 96. Et nous, on en a un petit peu délayé par rapport à la version française. Mais elle va être, tout ce qui est travail d'adaptation, ça va commencer à partir de 2007 surtout, pour voir arriver la série en 2011 sur nos écrans, aux US comme en France finalement. Et sois honnête, les livres commencent en 96 et on n'a toujours pas la fin. Tout à fait, on a plein d'autres choses, mais on n'a pas la fin. Oui, parce que ça, on y viendra. Voilà, c'est un rare cas où l'adaptation en série télé a rattrapé, puis doublé l'œuvre originelle. Oui, c'est quelque chose que les amateurs d'animé connaissent un peu. Mais avec Full Metal Alchemist, on avait vécu la même situation. Manga. Je pensais à même des choses comme Nausicaa ou Akira qui ont des fins un peu différentes. Mais c'est vrai que dans des adaptations live et puis de cette proportion, avec autant de budget, on n'avait jamais vu ça auparavant. Et la spécificité de l'univers de Martin, c'est qu'il a réussi aussi à parler à tous les gens qui n'étaient pas amateurs de fantasy, qui disaient que pour eux, finalement, non, c'était pas pour eux. Et puis finalement, on a fini par s'y mettre un petit peu. Et puis ces histoires de lutte de pouvoir, comme tu disais, elles ont résonné avec des gens qui regardaient d'autres séries, comme par exemple Les Sopranos. Et Christophe Vermier, à quel moment la chaîne HBO a décidé d'adapter l'œuvre de Martin ? Alors les premières négociations, on pense entre 2005 et 2007 aujourd'hui. À la sortie du phénomène Seigneur des Anneaux, les studios cherchent des licences à pouvoir exploiter en film. Martin refuse que ce soit sous la forme d'un film. Il pense que ce serait pas rendre hommage à tout ce qu'il a donné comme densité à son univers. Et c'est finalement deux showrunners, Benioff et Weiss, qui vont le convaincre en 2007 de céder les droits à HBO. Donc il l'annonce lui-même sur son blog. Après ça, il va y avoir toute la mise en place avec le pilote, etc. Et puis, alors le pilote qui va être retourné quasiment intégralement. Et on va arriver en 2011 à la version qu'on connaît aujourd'hui, ce premier épisode, Winter is Coming, finalement. Justine Breton, quel est votre rapport à Game of Thrones ? J'ai commencé les livres à peu près 2006, quelque chose comme ça. Ouais, j'avais commencé à peu près cette période-là aussi pour moi. Parce que des amis en parlaient. Et le premier, alors je fais mon mea culpa, me frappe pas. Le premier m'est tombé des mains. Clairement, on va dire que j'étais trop jeune pour apprécier la qualité. Non, c'est trop de descriptions pour moi. Voilà. Donc c'est tout, j'ai laissé tomber. Et ensuite, j'ai découvert la série comme le commun des mortels. Et j'étudie le Moyen-Âge, donc c'est des choses qui m'intéressaient à ce niveau-là. Et j'ai suivi avec un œil intéressé, mais sans plus, jusqu'à l'épisode 9 de la saison 1. Alors, encore une fois, je ne vais pas divulgâcher, même si ça date de 2011, donc voilà, vous avez le temps de rattraper, mais on peut... C'est pas une première dans Blockbuster. Donc, toujours est-il que à la fin de ce fameux épisode 9, un personnage important, voilà, je laisse du suspense, un personnage important est raccourci, globalement, hein, puisque voilà, il se fait décapiter, et ce qui fait que le personnage auquel on s'attachait, on le voyait presque déjà sur le trône, en tout cas on se disait que c'était le héros, bah, tout est remis en question. Et là, d'un point de vue narratif, je me suis dit, on a quand même un sacré potentiel. Mais d'ailleurs, je pense que c'est moins un élément de l'intrigue révélé que quelque chose de constitutif. En fait, c'est très important. C'est le moment où, justement, Martine explique au lecteur, et ensuite dans la série de la même manière, bah, attention, tout ce que vous croyez savoir sur cette série peut être remis en question. C'est aussi ça qui marque le point de départ du Trône de Fer. C'est le moment où, en fait, Martine arrête de prendre la main, que ce soit au lecteur ou au spectateur dans la version série télévisée. En fait, on lui explique que le personnage qu'il est en train de suivre, c'est pas un personnage principal, c'est vraiment c'est le mentor qui va être tué, c'est Obi-Wan Kenobi qui meurt, quoi, finalement. Et une fois que ce personnage-là disparaît, c'est au spectateur, au lecteur, de faire ses choix, de faire ses enquêtes pour essayer de comprendre comment fonctionne l'univers. Charlotte Bloom, racontez-nous votre rapport personnel à Game of Thrones. Moi, c'est très bizarre parce qu'en fait, je me rends compte, en étant là, que c'est 10 ans de ma carrière professionnelle, c'est 10 ans de Game of Thrones, en fait, puisque j'ai découvert Game of Thrones en 2011, quand c'était projeté au Festival de Monte Carlo, je savais même pas ce que c'était. J'avais jamais entendu parler. Et coup de bol, c'était sur grand écran, donc c'était vraiment super cool et tout. Et quelques mois plus tard, je travaillais pour OCS, et je suivais tout HBO, et pendant 10 ans, j'ai fait des émissions sur Game of Thrones. Donc c'est vraiment, toute ma carrière professionnelle de journaliste série est reliée à cette série jusqu'à finir sur une émission sur laquelle vous m'avez rejointe pour boucler en fait l'avènement de Game of Thrones. Donc j'ai vraiment vécu côté journaliste et côté spectatrice la folie, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, en tant que journalistes, on arrivait à un moment où on savait même plus quoi raconter sur Game of Thrones, mais il fallait en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y avait tout le temps quelque chose à dire. C'est ça qui est assez incroyable. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, dans cette première saison de Game of Thrones, alors oui, tuer, c'était culotté, mais dérouter les spectateurs, c'est la marque de fabrique d'HBO, qui est la chaîne qui le diffuse. Ils l'ont fait avec Les Sopranos, en nous faisant aimer ce personnage, et au bout de 5 épisodes, ils tuaient un mec à main nue, sans crier gare. Dans Six Feet Under, ils tuent le père Fisher dès la fin de l'épisode. Enfin, ils l'ont toujours fait, HBO, donc je pense que les habitués d'HBO n'ont pas été surpris. Là où on a été surpris, c'est de s'intéresser à ces gens qui sont dans une réalité qu'on ne connaît pas, qui ne nous touche pas, en fait. Et de parvenir à s'identifier avec de la fantaisie. Ça prouve que c'est hyper bien écrit. Oui, et alors, sans rentrer dans une analyse psychanalytique de Game of Thrones, est-ce que justement, cette idée que, de temps en temps, le bien perd, et les gentils... est-ce que c'est pas justement ce qui nous a raccroché à notre réel aussi? C'est-à-dire que comme dans la réalité, c'est pas forcément les gentils qui gagnent... Oh, c'est déprimant. Je me suis lancé la question si c'était pas une manière d'appréhender via cette série. Mais non seulement ça, mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que Game of Thrones, c'est quand même la série des nuances de gris, et en fait, le bien et les gentils sont pas toujours ce qu'on pense qu'ils sont. Donc non seulement on peut être intrinsèquement gentil et périr, mais on peut aussi être un immense salopard et nous faire pleurer 6 saisons plus tard parce qu'on disparaît. Donc, et ça aussi, ça ressemble à la vie, c'est qu'on peut se tromper sur les gens et les gens peuvent nous tromper. Et c'était très très bien fait dans Game of Thrones. C'est-à-dire que je comprends bien que la fin de Game of Thrones a déçu des gens, mais je trouve qu'une série qui dure aussi longtemps, qui est autant regardée et qui surprend jusqu'à la dernière seconde, c'est vraiment une qualité énorme. Game of Thrones, c'est des intrigues, des trahisons, de la violence et une certaine dose de sexe, mais c'est aussi la musique somptueuse de Ramin Djawadi, avec notamment le thème culte de Game of Thrones. Thank you. Le merveilleux thème de Game of Thrones par Ramin Djawadi dans Blockbuster sur France Inter. Your uncle's in the night's watch. Ton oncle appartient à la garde de nuit. Qu'est-ce que vous faites là ? Preparing for a night with your family. Je me prépare pour une soirée avec ta famille. I've always wanted to see the wall. J'ai toujours eu envie de voir le mur. Vous êtes Tyrion Lannister, Queen's brother, le frère de la reine. Ma plus remarquable prouesse. You, you're Ned Stark. Et toi, tu es le bâtard de Ned Stark, n'est-ce pas ? Did I offend you? Sorry. Je t'ai offensé. Désolé. You are the bastard, though. Mais tu es quand même le bâtard. Lord Eddard Stark is my father. Lord Eddard Stark est mon père. And Lady Stark is not your mother. Et Lady Stark n'est pas ta mère. Making you ce qui fait de toi bastard. Le bâtard. Let me give you some advice, bastard. Laisse-moi te donner un petit conseil, bâtard. Never forget what you are. N'oublie jamais qui tu es. The rest of the world le monde ne l'oubliera pas. Wear it like armor. Porte cela comme une armure. And it can never be used to hurt you. Et on ne pourra jamais s'en servir pour te blesser. What the hell do you know about being a bastard? Qu'est-ce que vous savez de ce que ça fait d'être un bâtard? All dwarves are bastards in their father's eyes. Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. Un dialogue qui fait que ça marche. On vient d'entendre Tyrion Lannister qui a cette conversation très intéressante avec Jon Snow sur le mur, comme ça, dans le froid. Tyrion Lannister qui est interprété dans sa version originale par Peter Dinklage et doublé par Constantin Pappas. Et Jon Snow qui est interprété par Kit Harington et doublé par Benjamin Pena Maria. Alors, on entend des noms, Stark, Lannister, Baratheon, etc. Justine Breton, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ces familles ? Oui, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dans la version très courte, on est sur un système inspiré du Moyen-Âge et de la Renaissance, hein, on a des mélanges, avec des grandes familles de nobles qui dirigent et qui se battent pour le pouvoir. Et globalement, chaque famille va être associée à un territoire. Donc c'est comme ça qu'on a les Stark, en tout cas on les repère facilement au début, on a les Stark qui sont les bruns châtains au nord avec toute leur fourrure, les blonds qui sont les Lannister qui sont globalement vers le sud, et on découvrira petit à petit d'autres familles qui viennent s'ajouter, qui n'ont pas toujours des couleurs de cheveux qui nous permettent de les identifier, hein, donc faut s'adapter. Et les Targaryens quand même. Mais avec les Targaryens qui sont justement, qui étaient la famille au pouvoir, qui ont été détrônés plus ou moins légalement, ça on pourra en débattre aussi, et toute l'intrigue de Game of Thrones, ça va être, une partie de l'intrigue, c'est comment Daenerys Targaryen, la dernière de cette famille associée au dragon, cherche à revenir sur le continent de Westeros pour accéder au trône qu'elle estime être son droit de naissance. Oui, parce que c'est ça qu'il faut préciser, c'est-à-dire que les Targaryens ont unifié Westeros, les sept royaumes, parce qu'ils ont un outil, qui leur permet quand même de tenir la dragée haute aux autres, c'est d'avoir des dragons. Ah bah forcément, ça calme, voilà, ils ont non seulement la capacité de se déplacer très rapidement, mais de tout cramer sur leur passage. Ils ont soumis une grande partie des territoires de Westeros assez vite, à l'exception de Dorne qui résiste encore et toujours à l'envahisseur pendant assez longtemps. On a une petite dissuasion nucléaire un peu avec le dragon. Voilà. Et Christophe Germier, au début, on l'a entendu de l'émission, l'hiver approche, Winter is coming, mm-hmm. qui est cette phrase qui a été mise en exergue à propos de Game of Thrones. Mais l'hiver, ça représente aussi ce qu'il y a au-delà du mur, un mur géant que les Stark gardent et qui constitue la menace en fait le postulat de départ de Game of Thrones. Oui, alors attention, c'est la garde de nuit qui garde le mur, oui, hein, la pas les Stark. De nuit. Même si on va retrouver Jon Snow là-haut très rapidement. C'est par son point de vue qu'on va en tout cas atterrir là-bas. Il y a une menace effectivement qui vient de l'au-delà du mur. Et tout l'intérêt de George R. R. Martin, là, c'est de nous mettre en face de conflits politiques qui ne se soucient absolument pas de quelque chose de terrible qui va leur arriver. Et je pense que c'est là-dedans aussi que ça fait écho à notre époque, quelque part, pour ne pas faire quelques liens. La fiction. Voilà. Mais, oui, pour certains, c'est le réchauffement climatique. Voilà, pour l'autre, c'est l'hiver qui arrive. Ouais, c'est ça. Mais dans l'idée, on a quand même cette menace qui est pesante, qui est oppressante et qui est complètement ignorée. Donc c'est cette menace, elle est incarnée par les autres. On ne sait pas bien ce que c'est. Enfin, les White Walkers dans la série en français. En anglais, pardon. Et cette menace va progresser petit à petit jusqu'à... je continue à divulgâcher. Ah bah, au point où on en est. Jusqu'à éclater ce mur qui finalement les empêchait de passer et commencer à terroriser un petit peu ces braves gens de Westeros. Enfin, en tout cas, ceux qui vivent le plus au nord. Parce que pour ceux qui vivent le plus au sud, pour l'instant, a priori, tant que la neige ne tombe pas. Tout allait bien. Et... Et il y a évidemment cette dimension inspirée par l'histoire qui a été utilisée par Martin et ensuite par Weiss et Benioff, notamment, et qui fait aussi que la série est en terrain connu pour beaucoup de spectateurs qui sont peut-être moins férus de fantasy, qui sont les rois maudits, notamment parce qu'on est vraiment dans le même esprit. Oui, on a les intrigues de cour à la manière des rois maudits, qui est une des références de Martin, il la cite très facilement en tant qu'inspiration. Il y a deux, trois autres petites choses. On parlait du mur. Le mur d'Adrien en est une assez évidente aussi qu'on va retrouver. Et ça, effectivement, ça va parler facilement aux lecteurs, aux spectateurs. Le continent ressemble quand même globalement à une espèce d'Angleterre et on a un mur tout en haut. Donc c'est une référence qu'on va avoir. Il va y avoir, on parlait des familles, les Stark, les Lannister, ce sont la guerre des deux roses, les York, les Lancaster. Même le parcours de Daenerys est un peu inspiré d'un outsider de cette guerre-là. Justine, tu m'as peut-être... Non, tout à fait. Voilà. Et du coup, oui, effectivement, on a des inspirations historiques, mais qui sont aussi, quelque part, un peu l'approche d'HBO de la chose. Parce que pendant un moment, les showrunners ne veulent pas de la partie fantastique. Ils ne pensent pas ouvrir Game of Thrones avec le prologue qu'on lui connaît, c'est-à-dire avec cette séquence au-delà du mur, avec cette course-poursuite avec un White Walker. Ils pensent commencer directement dans les intrigues politiques et s'intéresser surtout à ça. Donc des intrigues politiques historiques dans un monde inventé et qui rapprochent, en tout cas, d'un autre gros succès de HBO qui était Rome à l'époque et qu'on va vouloir essayer. On va essayer de transformer l'essai de Game of Thrones à partir de Rome quelque part. Et c'est amusant comme détail parce que tu te rends compte que c'est des gens les showrunners qui respectaient tellement l'œuvre littéraire qu'ils ont un peu oublié qu'ils faisaient de l'image. Et c'est par ces premières scènes du pilote que des gens comme moi, qui sont pas particulièrement sensibles à la fantasy, se sont dit « Oh là là, c'est quoi ce truc ? Je vais regarder jusqu'au bout. » Et je pense qu'à un moment, faut pas oublier ton médium. En fait, oui, t'es en train d'adapter une œuvre littéraire, mais t'es en train de parler à des spectateurs de télé. Et d'ailleurs, ils en ont tellement pris conscience que c'est devenu aujourd'hui, quand tu réfléchis au grand spectacle audiovisuel, c'est la première série. On verra ce qui se passe une fois que The Ring of Power va sortir. Mais en tout cas, pour le moment, si tu réfléchis grand spectacle, tu vois un dragon, un marcheur blanc et... si t'es sympa, Arya. Oui. en train de faire un truc qu'on n'a pas le droit de spoiler, je sais plus. Et d'après vous, Charlotte Bloom, qu'est-ce qui explique le succès de Game of Thrones ? Parce que il faut se remettre dans le contexte, c'était phénoménal au niveau de la place que ça pouvait occuper dans l'esprit de tout le monde. Dès le lundi matin, on décortiquait l'épisode qui venait de passer. Il n'y a pas de série avec une telle aura actuellement et depuis un certain temps. Y en a eu, moi je vais quand même défendre Breaking Bad parce que pour l'avoir vécu en travaillant avec des gens qui regardaient pas de série et qui d'un seul coup devenaient ma boule le lendemain de l'épisode, il y en a eu True Detective, bon ça existe encore. Je pense que ironiquement, par rapport à la période qu'on vit en ce moment, Game of Thrones peut clairement remercier le succès populaire du Seigneur des Anneaux au cinéma, puisque sans ça, jamais, comme tu le disais tout à l'heure, il n'aurait eu un accès à la télé. Mais la force d'HBO, et ça a toujours été ça, c'est de mettre le paquet. En fait, une expression qui est moche, mais c'est vrai. Ils ne se sont pas dit, on va le faire au minima, cette adaptation. Quitte à la faire, quitte à payer, quitte à acheter les droits, on va tout balancer. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça à la télé. Contrairement à ce que fait, par exemple, Netflix aujourd'hui, le rythme hebdomadaire a aussi fait que ça a créé un manque. Et c'est ce truc magique de la série, hein, que tout le monde est en train d'essayer de détruire. Mais en tout cas, a fait que c'est devenu un vrai phénomène. Et puisqu'on disait tout à l'heure, le fait que le bien soit le mal, que le mal soit, qu'on sache jamais où ça va, fait que, en fait, on a pu faire que débattre semaine après semaine et essayer de deviner et toujours se tromper, en ce qui me concerne. Et alors, c'est une adaptation. David Benioff et Daniel Weiss ont eu la lourde tâche d'adapter l'œuvre de Martin. Et est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont mieux réussi que dans le livre, et à contrario, des choses qui sont plus réussies dans le livre que dans la série? Alors, des choses qui sont plus réussies dans le livre que dans la série, je pourrais en trouver. Dans le sens inverse, je peux en trouver aussi parce qu'ils ont eu l'intelligence de savoir, on va dire, remplir tous les blancs qu'avait laissé Martin. Le Trône de Fer est un livre écrit par point de vue, donc par conséquent, on n'a pas l'omniscience qu'on peut avoir avec une série télévisée. Et quand ils l'ont fait, je trouve que... En tout cas, au début, après, je pense que leur écriture était peut-être un peu plus rapide sur les dernières saisons et pas forcément aussi aboutie. Je vois pas ce qui te fait dire ça. Mais sur les premières saisons, moi, j'ai souvenir, il y a une scène que j'aime beaucoup, moi, dans la saison 1, qui est un simple dialogue entre Cersei Lannister et Robert Baratheon. C'est la meilleure scène. Et je trouve que c'est un de ces ajouts où ils ont été immensément talentueux. Où Cersei demande s'ils se sont aimés un jour. S'ils se sont aimés un jour. Et il y a sûrement eu des moments. Voilà, c'est ça. Et il lui demande, lui, est-ce qu'on est plus fort à 5 ou à 1, et puis il lui montre le point, etc. Donc c'est vraiment une très très belle scène. Et bah, je les remercie d'avoir fait cette scène-là, parce qu'on ne l'a pas dans les livres, pour le coup. On n'a jamais ce double point de vue sur ces deux personnages. Et ça les rend très intéressants, et ça les réhumanise un petit peu aussi, parce qu'il faut se dire, pour les gens qui n'ont pas lu les romans, qu'on va rentrer dans la tête de Cersei, finalement, assez tard dans les romans. Vous savez quoi ? On va encore parler de Game of Thrones, mais il y a le chanteur Julien Gasque qui voudrait nous créer une petite pause musicale avec son titre « Amour velours ». Cette femme qui danse tout autour de mon corps, sa jambe est humide et saine, elle caresse ma colonne vertébrale dans le noir. Je ne la distingue pas. À la force de mon désir, quel est ce langage venu d'ailleurs? Des ondes dansent sur moi, je suis nu et en sueur, je frissonne de plaisir. Julien Gasque avec Amour velours. Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter. Je suis Eddard Stark, seigneur de Winterfell et main du roi. Je viens devant vous faire l'aveu de ma trahison à la face des dieux et des hommes. J'ai trahi mes engagements envers mon roi et la confiance de mon ami Robert. J'avais juré de protéger et de défendre ses enfants. Mais avant même que son sang ne soit devenu froid, j'ai comploté d'assassiner son fils et de m'emparer du trône pour moi-même. Que le grand Septon et Baelor le Bienheureux me soient témoins de ce que je vais dire. Joffrey Baratheon est le seul véritable héritier du trône de fer. Par la grâce de tous les dieux, le seigneur des sept couronnes et le protecteur du royaume. Qu'est-ce que nous devons faire de ce traître, Majesté ? Ma mère souhaite que je laisse Lord Stark rejoindre la garde de nuit. Privé de tout titre et de tout pouvoir, il servirait le royaume dans un exil définitif. Et ma chère Lady Sansa a imploré pitié pour son père. Mais elles ont de faibles cœurs de femmes. Tant que je serai votre roi, la trahison ne restera jamais impunie. Sœur Eileen, Apportez-moi sa tête. Je t'en prie, arrête. Empêchez-la, vous autres. Un des nombreux moments traumatisants de Game of Thrones, vous venez d'entendre Ned Stark, interprété par Sean Bean et doublé en français par François-Éric Gendron, et le terrible Geoffrey Baratheon, joué par Jack Gleeson et doublé en français par Thomas Sagot. Alors évidemment, je parle de Game of Thrones depuis tout à l'heure, c'est une série qui se passe dans un monde de fantasy, c'est une série qui a été saluée par la critique, mais qui n'a pas été épargnée non plus par cette dernière. Game of Thrones, il y a des gens, ils n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas. Alors, Game of Thrones saison 7. Eh ben, c'est vraiment tout ce qu'on attendait. Sans rien spoiler, Pénélope, promis, depuis la saison 1, on attendait cette orgie de bastons, de rencontres, de méchants très méchants et de twists incroyables. Eh ben, ils sont là, enfin, 6 ans qui sont totalement récompensés. On pourrait même dire que ça pourrait se résumer à ça. Oui ? Non. Bah, non, vous allez me dire, ça ne se résume pas à ça, bien évidemment. Mais non. Presque un peu au départ. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Game of Thrones, c'est un peu le puits du fou par en folie. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de se mettre sur la gueule comme ça. Mais à poil. Mais à poil. C'est tout l'intérêt de la série. C'est-à-dire non, avec des tapis Ikea. C'est une gigantesque partie de risque. Vous vous souvenez du jeu de société comme ça. Donc, c'est pas hyper sexy sur le principe. Et puis, tout d'un coup, en fait, Game of Thrones va réinventer une idée très simple. Et bah, il va aller chercher Tonton Shakespeare. C'est-à-dire que c'est Shakespeare qui rencontre le soap opéra. C'est une série adulte en deux sens du terme. D'un côté, c'est une série adulte au sens où on parle de films pour adultes, c'est-à-dire des films où on va voir essentiellement des seins et des meurtres, donc des choses parfaitement puériles. Il y a une dimension parfaitement puérile. Des seins, c'est-à-dire la poitrine. Oui, hein, exactement. D'accord, pas les seins du calendrier. Non, on sait, même si la religion n'est pas absente de la série. Oui. Donc il y a cette dimension puérile, vulgaire, ce qu'il y a de parfaitement puéril à avoir envie de jouer au chevalier, et en même temps, il y a le contraire. J'aime pas, j'aime pas. Justine Breton, je vous ai vu lever les yeux au ciel. Mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Donc, est-ce que Game of Thrones peut aussi facilement se résumer à quelque chose de puéril avec du sexe et de la violence? C'est-à-dire que si on reste sur ces commentaires-là, c'est que on a zappé sur Game of Thrones, on a vu deux chevaliers et deux prostituées, et on s'est dit « Ah bah Game of Thrones, c'est juste ça ». Bah ouais, mais non, c'est plus compliqué que ça. Il y a une histoire, il y a des personnages, il y a une vraie évolution, une vraie psychologie sur la représentation de la nudité et de la sexualité. Il y a une super étude de Benjamin Campion qui est sortie sur HBO et le porno, j'en profite, qui montre que, bah en fait, il n'y a pas tant de nudité dans Game of Thrones que ça. Après, ce qu'a fait la série, c'est instrumentaliser et rendre spectaculaire certaines scènes. Parce que c'est HBO, parce qu'ils en jouent. Donc, je comprends qu'on puisse avoir cet a priori, mais en fait, dès qu'on s'arrête un petit peu sur le contenu, sur tout le travail qui a été fait et sur vraiment comment la narration est construite, bah, tout ce qu'on vient d'entendre, ça ne tient pas, en fait. Donc voilà, je m'énerve un petit peu, désolé. C'est sur des gens très bien, sûrement, qui viennent de parler, mais ils m'énervent. Christophe Germier. C'est marrant parce qu'il y a de plus en plus, nous, on va en convention et on va en festival, et on a des gens qui s'arrêtent devant notre stand en disant « Ah, mais vous êtes le Trône de Fer, mais je ne regarde pas parce que c'est trop violent et il y a trop de sexe pour moi. » Avec le commentaire qui nous a fait un peu mal, qui est « Ah oui, c'est la série que mes parents regardent. » Là, généralement, là, c'était dur. Mais du coup, voilà. Mais non, effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas cette univers. Univers là pour ça, ce que je peux comprendre, c'est quand même un univers qui est assez dur. Maintenant, le résumé à ça, ce serait quand même un peu simple, quand même. Et puis, parmi les commentaires qui sont faits autour de la série, les showrunners et l'équipe de HBO, de façon plus générale, plus que George Martin lui-même, ont beaucoup mis en avant un pseudo, et je mets de gros guillemets avec mes doigts, un pseudo réalisme historique pour justifier justement cette violence et cette utilisation de la sexualité. Et d'ailleurs, ils continuent de le faire même pour House of the Dragon, qui ne correspond pas à une réalité historique en plus. Mais absolument pas. En fait, je suis désolée de le rappeler, mais il n'y a pas plus de viol au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de guerre et d'épidémie au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Hein. On a vécu 2 ans, on s'est bien rendu compte de ce que c'était. Du coup, l'idée, en fait, c'est que dans Game of Thrones, avec tout ce marketing qu'il y a eu autour en disant « Oui, mais d'accord, il y a des viols, mais c'est pas nous, regardez, c'était le Moyen-Âge. » Bah non, là, il y a tous les historiens, tous les médiévistes qui sont montés au créneau en disant « Bah non, en fait, regardez, on le sait très bien que c'était pas comme ça. » Mais ça forge une image noire du Moyen-Âge, et c'est une façon de se dédouaner aussi pour eux et de dire bah, nous on met en avant du sensationnel parce que ça attire le spectateur aussi, hein, ça fait du buzz, la preuve on en parle encore, ça fait du buzz, ça attire et ça génère des revenus aussi, mais arrêtez de vous cacher devant une pseudo-histoire qui, voilà, l'histoire a le dos large, mais il faut peut-être se calmer un peu aussi. Charlotte Bloom, vous avez vraiment suivi tout du long l'évolution et la réception de Game of Thrones auprès des spectateurs. Comment vous avez répondu à certaines critiques qui émanaient des spectateurs sur ces sujets ? Fort heureusement, je ne suis pas la porte-parole de Game of Thrones, parce que franchement, je l'ai plaint, mais vraiment énormément. Mais après, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est le mot qu'a utilisé Justine, qui est marketing. Et je pense que vraiment Game of Thrones a payé le marketing de départ. Et n'importe qui regarde des séries HBO sait que dans la première saison, il y a beaucoup de sexe, après, il n'y en a plus. Voilà. C'est comme ça, c'était comme ça dans Rome, c'est comme ça tout le temps. C'était même dans Six Feet Under, c'était comme ça. C'est comme ça tout le temps. Donc je pense que les gens qui vraiment avaient cette critique-là ont regardé 4 épisodes, sont passés à autre chose et n'ont pas vu la série vivre sa vie. Et après, il y a un autre truc qui est important, c'est qu'on vit à une époque où tout le monde a la parole, et surtout les fans, et où les showrunners sont à l'écoute, ce qui est extrêmement rare. Et on a vu, en tout cas, le traitement des personnages féminins, notamment quand la série a quitté la trajectoire des livres et est devenue un peu son propre objet, les trajectoires féminines changées, le traitement des personnages féminins sont changés. Je ne dis pas en aucun cas que Game of Thrones a été exemplaire sur le traitement des femmes, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, on ne peut absolument pas oublier qu'elle a évolué avec son public et qu'elle a entendu son public. Combien de séries, pour de vrai, je pense à Lost un peu dans ma tête, combien de séries pour de vrai ont été à l'écoute des spectateurs et ont fait « Ok, on a merdé, c'est pas bien ce qu'on a fait, on va rectifier, on va faire ça ». Et la fin de la série, qui est quasi exclusivement féminine, montre quand même qu'il y a eu une écoute et elles sont pas à poil, c'est pas vrai en fait. Non. Donc moi je regrette vraiment qu'il y ait des gens qui aient commencé et qui aient pas continué et qui aient gardé en plus la parole pour dire « Comme ça, cette série c'est un scandale, mais regarde peut-être plus que 4 épisodes du coup ». Oui, et il y a, je pense que ce dont on n'a pas encore parlé dans cette émission, c'est peut-être aussi l'utilisation de la violence faite aux femmes comme un moyen d'en faire des personnages plus forts. Et je pense que c'est ça aussi qui a généré énormément de débats. Mais ça énerve énormément les femmes. Là, j'ai changé de voix, tu vois. Ça m'a énervé d'un coup. Mais je comprends. Non, parce que, en fait, ça, c'est un truc qui m'a toujours gênée dans Game of Thrones, c'est qu'on nous fait croire qu'en tant que femme, il faut passer par des horreurs pour être devenir forte. Non, absolument pas. En fait, on a aussi le droit d'avoir une vie douce. C'est autorisé. Merci. Et on peut être et on peut être une femme forte sans avoir souffert. Malheureusement, il y avait très peu de femmes dans cette salle d'écriture. Voilà. Malheureusement, il y avait une seule femme sur 19 réalisatrices dans cette série. Et ça a fait quand même mal. Donc, malgré tout, je continue à dire et à le penser que c'est une série qui a eu l'intelligence de corriger certaines erreurs. Mais écrire des personnages féminins comme des victimes qui se relèvent après un drame, stop. Bravo. C'est la fin. Bravo, merci. Bravo. On peut arrêter l'émission. Allez. Voilà, merci d'être venu. Et d'ailleurs, comme ça, quel est votre personnage préféré de Game of Thrones ? Arya, évidemment, c'est un personnage extraordinaire. Moi, The Long Night, qui est un épisode que beaucoup de gens détestent parce qu'on voyait rien. Moi aussi, j'ai mis des guillemets avec les mains. On voyait rien, cet épisode sublime réalisé par Miguel Sapochnik. J'ai pleuré de cet exploit que je ne vais pas spoiler, soit fait par Arya dans cet épisode où on ne voit rien sauf cette scène-là. Pour ça, il faut regarder Game of Thrones, en fait, juste pour cette scène-là. Christophe Germier, alors moi, j'ai pas une très grande passion pour Arya, je suis désolé, mais c'est pas grave, je te la laisse, très bien. Moi, j'ai une certaine tendresse pour les gros losers, donc du coup, j'aime beaucoup Théon comme personnage. Ah oui. Et puis alors là, ça se pose là. Hein. Ouais, c'est ça. Mais vraiment le loser. Hein, ouais. Et je trouve que Alfie Allen l'a incarné avec une arrogance et une repentance absolument magnifique. Alfie Allen qui a ensuite enchaîné en tant que victime de John Wick. Oui, c'est ça. C'était vraiment une saison. Exactement. Il travaillait, mais il allait au boulot pour se faire taper dessus. Hein. C'est ça. Mais du coup, voilà, moi j'ai vraiment ce personnage-là en affection. Je trouve que l'écriture est superbe parce qu'on a vraiment ce personnage qui est imbuvable au début, qui finalement fait une erreur et la paye au centuple. Et au final, il trouve quand même une certaine forme de rédemption et c'est assez joliment écrit, je trouve. Justine Breton. Alors, parmi les personnages que j'adore, il y a Arya, mais on l'a cité. Mais sinon, je crois que mon personnage préféré, c'est Davos. un personnage qui est secondaire, hein, qui joue pas pour le trône. C'est un des rares personnages pas nobles à l'origine. Hein, il est anobli par la suite, mais c'est un roturier. Et ça, c'est un truc qui manque, notamment... Qui apprend à lire grâce à une petite fille. Il y a une très belle relation. C'est un personnage qui part de rien, qui a un sens de l'honneur très, voilà, très prononcé, qui finit par corriger le roi du Nord sur sa grammaire. Alors rien que pour ça, moi, le mec, il gagne tout. voilà, c'est... Non, puis, un truc qui manque, je trouve, notamment dans la représentation du Moyen-Âge, c'est des gens qui sont pas nobles. Voilà, et ça manque un petit peu. Il y en a quelques-uns dans Game of Thrones, mais à part Gilly, vert en version française, bah, globalement, et Ygritte, éventuellement un peu les Sauvageons, mais c'est tout. Davos, ça fait partie, voilà, de ces personnages qui ont été valorisés avec une ascension de self-made man, un petit peu, hein. Donc, toujours idéalisé, bien sûr. Mais je trouve que c'est un très beau personnage qui est différent. On arrive bientôt vers la fin de cette émission, et la fin, c'est un sujet qui passionne les artistes, notamment Jack White, avec « Si je meurs demain », If I die tomorrow. If I die tomorrow, could you find it in your heart to sing? If my mother cries in sorrow, will you help her with the many things that she needs from time to time and day to day? So if I die tomorrow, drink, and before you know, she'll be laughing about the times and those old days. So if I die tomorrow, promise you can walk away okay, okay. I hate to think about it, so it helps to shout it. A peace of mind, and her heart is careworn. And ever since I was a newborn, I've pushed aside this worry for the sake of my life. I begged and I borrowed everybody's love, and they gave for free. And I wish that I could give it back to them. So if I die tomorrow, will you give them all the love they lent to me? If I die tomorrow, the Jack White. House Targaryen is gone. La maison Targaryen a disparu. Not a single person who shares your blood is alive. Votre lignée est éteinte. Il n'y a aucun survivant pour vous soutenir. The Starks are gone as well. Les Stark aussi ont disparu. Two terrible fathers saw to that. Nos deux horribles pères y ont veillé. The remaining members of House Lannister will Les membres restants de la maison Lannister ne vous soutiendront jamais. Stannis Baratheon won't back you either. Stannis Baratheon ne vous soutiendra pas non plus. His entire claim to the throne rests on the illegitimacy of yours. Toutes ses prétentions au trône reposent sur l'illégitimité des vôtres. That leaves the Tyrells. Ce qui laisse les Tyrell. Lannister Targaryen. Lannister Targaryen Baratheon Stark Tyrell. Ils ne sont que les rayons d'une qui tourne. Celui-ci est en haut, puis cet autre est en haut, et la roue tourne et tourne encore, écrasant ceux qui sont au sol. C'est un rêve magnifique d'arrêter ces trous. Nombreux sont ceux qui l'ont fait avant vous. Je n'ai pas l'intention d'arrêter la roue. J'ai l'intention de la broyer. Daenerys Targaryen, interprétée par Emilia Clarke et doublée en français par Marie Tirmont. Alors, on entend du Tyrion, mon personnage préféré, interprété par Peter Dinklage. Là, on a entendu Emilia Clarke, Lena Headey qui joue Cersei Lannister. C'est aussi, ça a aussi été l'occasion de rencontrer plein d'acteurs qu'on avait peut-être déjà vus dans d'autres films, d'autres séries, mais là, de leur donner la part belle. Et qu'est-ce qu'on peut dire du casting de Game of Thrones? Ça, c'est l'idée de génie de Game of Thrones, c'est de prendre des têtes qu'on ne connaissait pas. Parce que, je ne sais pas si on en parlera à un moment de House of the Dragon, mais moi, ça me gêne de connaître les comédiens. Ramener ces comédiens, beaucoup de comédiens de théâtre, beaucoup de comédiens anglais, des immenses, des excellents comédiens, d'aller chercher des mômes qui savent jouer, parce que toute la compagnie, les Arya, Robb Stark et compagnie, ils étaient tout petits, ils avaient 12-13 ans. Oui, d'ailleurs, mais on les voit grandir à l'écran. Hein. Les photos, avant, après. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire, c'est un bonheur. Bravo. Ce cast, ça pour moi, c'est la masterclass de Game of Thrones. C'est d'avoir su, un, ne pas se dire, à part évidemment Sean Bean, on va prendre que des gars connus, ça va nous aider à faire de l'audience. Non, on s'en fout, en fait. Ton histoire, elle est assez solide pour ne pas mettre des acteurs connus. Et aujourd'hui, quand tu vois des successions, quand tu vois Euphoria, on s'en fout de connaître les gens. Si ton histoire, elle est bonne, si la réelle, elle est bien, on va regarder. Meilleure idée. Ils mettent une ou deux têtes d'affiche pour attirer un peu, et la preuve dans Game of Thrones, c'est que, bah voilà, Ned Stark, Robert Baratheon... Ils ne survivent pas la première saison. Donc ça y est, elle a lâché le spoiler quand même. Il y a eu l'extrait avant quand même. Il y a eu l'extrait. Voilà. Ah, elle a le droit. Mais justement, quid de l'avenir de ces acteurs? Parce que Kit Harington, qui a été comme ça, qui est devenu une sorte d'icône sous le rôle de Jon Snow, est-ce qu'il a une capacité à pouvoir jouer autre chose? Emilia Clarke Duncan a essayé aussi. Il y a eu beaucoup d'échecs. C'est compliqué, Sophie Turner c'est pareil. Bon, ils se sont retrouvés dans des films de franchise principalement quand même derrière. On peut remercier le MCU de les avoir pas mal recyclés même. Après c'est toujours le même problème que certains des comédiens par exemple de Harry Potter ont subi, surtout avec des jeunes acteurs qu'on suit comme ça pendant des années. Ils sont tellement associés à un rôle un peu très, très remarquable que c'est difficile aussi de trouver d'autres rôles et de faire des choix. Ça avait été le cas pour donc Daniel Radcliffe dans Harry Potter, pour Elijah Wood dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ces acteurs-là ont fait des choix très radicaux. Regardez la filmographie de Daniel Radcliffe si vous avez l'occasion, c'est fabuleux. Pour justement artistiquement, on sent qu'il a envie de tuer Harry Potter 20 fois. Ouais, mais c'est génial ce qu'il a fait. Et parce que c'est un excellent acteur en plus. Donc voilà, il a montré aussi qu'il pouvait faire des choses. Donc je pense que pour la suite, l'actrice qui joue Arya et dont le nom m'échappe, Maisie Williams. Qui est dans la série Sex Pistols, qui est extraordinaire. Elle a fait quelques séries outre le MCU, etc. Elle a eu un très gros rôle dans Doctor Who sur une saison. Elle a même joué dans un film alors qu'il n'avait pas d'argent, qui a connu un enfer de développement, New Mutants, où elle jouait Rand Sinclair, Wolfsbane, et une jeune fille catholique qui pouvait, de par son pouvoir mutant, se transformer en lycanthrope. Et l'a joué de manière impeccable. C'est-à-dire que c'est vraiment la transposition. Elle est aux côtés de Anna Taylor-Joy qui joue Ilyana Rasputin, la sœur de Colossus. Elle était impeccable. Simplement, le film n'avait pas de moyens. Et puis la production ne l'aimait pas beaucoup, je crois. Voilà. Ça, je pense que c'est une actrice, par exemple, qu'on va pouvoir suivre, contrairement par exemple à Kit Harington, où les tentatives qu'il a fait pour l'instant, il y avait eu un péplum. Après, il a tourné dans un Xavier Dolan quand même, donc du coup, il a quand même fait deux, trois choix qui sont sortis un peu, mais même quand il était là-dedans, ça regardait un peu sa propre carrière aussi, il était traité comme une icône, etc. Donc, à voir, on verra bien. Parce que c'est pas unique à Game of Thrones. Tu regardes les acteurs de Lost, tu regardes les acteurs des Sopranos, personne n'a fait carrière. Et moi, ce que je trouve terrible pour les acteurs, c'est que ça renforce la série, en fait. Personne n'a envie qu'on te prouve que Game of Thrones est une histoire inventée. Moi, j'ai envie de continuer à croire que ces acteurs-là, c'est les personnages, fin de l'histoire, on coupe. Mais je me demande si c'est pas volontaire, en fait. C'est terrible, t'as l'impression que ce sont des carrières sabotées. T'as envie de leur dire, profite bien. Oui. Parce qu'après, c'est fini, mon petit. La preuve en est qu'il y a un spin-off en développement sur Jon Snow. Mais il serait malin, il dirait non. Serait son retour, évidemment. Donc. Et alors, il faut qu'on parle des sujets qui fâchent, parce que on l'a dit, l'adaptation en série télé a doublé l'œuvre de Martin. Et il y a eu cette fin, parce qu'il faut quand même se rappeler que ici même à France Inter, on avait même carrément fait une nuit Game of Thrones, où on avait spéculé sur la manière dont les choses allaient se terminer, etc. On était à fond, avec des tonnes de théories. Et vous l'aviez pas vu venir, Et est arrivée la huitième saison. Tyrion. voilà, qui et le problème, c'est qu'on a, on a tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que tout est connoté désormais. Oh non, la fin, elle est claquée. On entend des trucs. C'est ça, c'est éclaté au sol, surcoté. Enfin, tous les mots des Jones aujourd'hui que je déteste. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Moi, je trouve qu'elle est pas mauvaise en soi. Je pense qu'il y a certaines idées qui sont clairement des idées de Martin. L'idée que Bran monte sur le trône, c'est une idée de Martin. Son loup s'appelle Été. Il ramène l'été à Westeros, etc. Il y a le loup qui laisse mourir. Oui, mais il y a toute une symbolique derrière le personnage de Bran qui est assez logique, même dans ses inspirations historiques, mythologiques. Maintenant, c'est exécuté avec une telle rapidité sur la saison 8 que ça a forcément, d'une part, ça a surpris, mais ça a aussi déçu. Parce que les gens... Je pense que c'est la dernière saison, ils avaient envie de s'attarder un peu aussi. Mmh. On n'a peut-être pas forcément envie des 15 000 fins du Seigneur des Anneaux, mais on est quand même content de les avoir. Au pire, on ne les regarde pas, mais on sait qu'elles existent. Non, mais moi, je veux bien ce qu'il arrive à Bran, mais qu'il ne vienne pas donner l'argument « c'est lui qui a la meilleure histoire ». Non, je suis désolée, tout le monde a une meilleure histoire que lui. Voilà, trouvez un autre argument, il y en avait 50. Ah, c'est facile à dire, après, c'est pas moi qui écris. Après, je pense que ça a été écrit avec une certaine rapidité, même s'ils se sont laissés le temps de le faire. À un moment, ils se sont retrouvés prisonniers du schéma série, quoi. Il faut préciser que HBO avait proposé à Benioff et à Weiss beaucoup plus d'épisodes pour finaliser la série, et que ce sont eux-mêmes qui ont refusé parce que il y avait les sirènes de Star Wars à l'époque. Oui, puis il y avait dans leur témoignage qu'on peut retrouver dans le bouquin de James Seabird, Le Feu ne tue pas le dragon. On a un aveu presque d'échec, quoi. C'est-à-dire, ils vont voir le directeur d'HBO en disant, ils sont venus, et puis ils ont dit, on a 6 saisons et 13 épisodes. Et il n'y aura pas plus, quoi. Donc, je pense qu'ils étaient un peu lucides aussi sur le fait, peut-être, de leur propre capacité à continuer l'histoire avec juste finalement le brouillon de Martin, quelque part. Oui, ouais, oui. Voilà. De ne pas vouloir faire du remplissage pour dire. C'est ça. Voilà, faire des épisodes. Et même pour Martin et Charlotte Bloom, c'est du jamais vu d'être un auteur et de voir son œuvre qui prend vie et se développe sans vous, comme ça. Ouais, mais si ça l'intéressait, il la finirait, sa fichue histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il s'en fout, on va continuer. Il travaille dessus. Et puis attention, il n'était pas absent. Hein. Ouais. Il reste consultant. L'histoire ne s'est pas inventée sans lui. Ouais. Mais là encore, pour moi, c'est vraiment une histoire de médium. Ouais. C'est-à-dire que oui, il a fallu clôturer cette histoire, mais les fans qui ne sont pas contents, ils voulaient des grosses batailles. Sauf qu'une bataille, ça prend un épisode entier. Oui. Donc ça t'enlève des épisodes d'intrigue, ça t'enlève des conversations. Et le médium, là, est vraiment central, pour de vrai. C'est la fin de cette émission. Justine Breton, Charlotte Bloom et Christophe Germier, merci beaucoup. Merci. Cette émission a été réalisée par Camille Maty. Elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mancip et Emma Ferré, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier. Clément Vullier à la technique et Florian Dorimini au mixage. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Ce sont des hommes courageux qui frappent à notre porte. Allons tous les massacrer! Et demain, on va parler de ponchos poussiéreux, de ceux qui ont un pistolet chargé et de ceux qui creusent. On va parler du bon, de la brute et du truand. France Inter.